Le comité préparatoire pour la célébration du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung et le comité préparatoire du Parti socialiste béninois pour célébrer l'anniversaire du généralissime Kim Il-sung sont constitués respectivement le 20 courant au Parti pour la paix et l'unité de Russie et à Cotonou. Les comités ont décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles à l'éloge de la vie sacrée et des exploits du président Kim Il-sung à l'occasion de la Journée du Soleil. Par ailleurs, le comité préparatoire pour la célébration du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung a été constitué le 19 courant en Égypte.